Brand new, qui me phénomène. Et j'ai appris, de par mon expérience, qu'il faut jamais se prendre la tête dans la vie. Tout a un prix. Oui, ça fond d'allégeance, parfois j'ai l'impression d'être incompris. Y'a tant de mépris, basé sur l'apparence ou la religion pour laquelle on prie. Trop de cachotterie, et c'est une évidence, juste à chaque cas on est vraiment épris. Alors faites ce que vous voulez quand vous le voulez, y'aura toujours quelqu'un qui viendra vous saouler. Surtout fais-moi plaisir et n'oublie jamais que seuls les gens qui ne font rien ne peuvent pas être critiqués. Alors j'avance, et si je regarde en arrière c'est pour être sûr de ne rien oublier. Tous les coups que j'ai pris tout le long de mon existence me servent aujourd'hui à ne pas plier. Donne-moi un son et je me la donne. Et je me la donne et je mets déjà me la donne. Doucement sans pression et je me la donne. Et je me la donne et je mets déjà me la donne. Je me fous de tes imprisons car je me la donne. Et je me la donne et je mets déjà me la donne. Je ne fais pas concession et je me la donne. Et je me la donne et je mets déjà me la donne. Peu importe ce que vous dites, qui fait ce que l'on fait, la clé de la réussite. Quoi en soi est indispensable, mais faut rester lucide. Car parfois l'excès d'ego s'invite. D'autres sites, des carrières à peine débutées. J'en ai vu monter aussi vite qu'ils sont descendus. Une fois le succès parti, là ils se sont détendus. Et tous les gens présents et qui sont là depuis longtemps, sur et c'est les mêmes à ce que j'ai vu. Perso, je n'ai pas changé depuis le départ. Mes amis et ma famille pourraient même en témoigner. Je continue à dire qu'il faut voir serrer mon grand pour que même moi il ne soit pas trop éloigné. Cet album devait être le dernier, mais je n'arrêterai quand vous l'aurez décidé. J'ai la force et encore plein d'idées, et l'amour pour ce que je fais mais rester. Donne-moi un son et je me la donne. Et je me la donne et je mets déjà me la donne. Doucement sans pression et je me la donne. Et je me la donne et je mets déjà me la donne. Je me fous de tes imprisons car je me la donne. Et je me la donne et je mets déjà me la donne. Je ne fais pas concession et je me la donne. Et je me la donne et je mets déjà me la donne. Da dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan. Oui je me la donne. L'esprit, c'est comme un parapluie, les plus utiles ouverts foncent vers terrain, même si tous les feux ne sont pas ouverts. L'esprit, c'est comme un parapluie, les plus utiles ouverts foncent vers terrain, même si tous les feux ne sont pas ouverts. Vas-y fonce, crois en toi et en tes rêves. Crois en toi et vas-y fonce, avant que la nuit s'achève.